Bonsoir, merci d'être venu pour cette première causerie de l'année. Ceux qui viennent pour la première fois, vous pourrez nous demander après, on boira un verre et pourra discuter. Si vous voulez des renseignements sur le CIRA, vous nous demandez et tout, et on vous expliquera comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, c'est dans le cadre des causeries mensuelles, on essaye de faire une causerie. Causerie, c'est un hommage à Libertad, c'était des causeries populaires autrefois, plutôt que le terme conférence. Et dans ce cadre, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Marc Royer, qui va nous présenter un bouquin qui est paru en 2017 maintenant, aux éditions du Passager clandestin. C'est des éditions qui ont beaucoup de livres sur la désobéissance, notamment. Sur la décroissance aussi. Décroissance, avec lesquelles on est en contact depuis longtemps, et c'est eux qui ont vraiment insisté en nous disant que ce bouquin était formidable. Donc je pense que tu vas donner envie de le lire. Petite présentation, après, si je dis des bêtises, tu me le dis et puis tu compléteras. Donc, tu étais ingénieur diplômé de l'École nationale de l'aviation civile. Tu as travaillé aux aéroports de Paris et tu étais militant syndical à la CGT. Comme livre, ça serait le deuxième. Donc, il y en a eu un qui est paru en 2012 chez l'Harmattan qui s'appelle « La science creuset de l'inhumanité ». Et en plus de ces deux livres, tu as écrit de très nombreux articles, surtout sur notamment sur la catastrophe nucléaire de Fukushima. Donc, comme vous le voyez, le thème, ça va être la science, les sciences. Si c'est bien, si c'est pas bien, à toi la parole. Vaste sujet. ça, c'est la partie la plus difficile, donc on y viendra après. Je vais commencer par vous dire que à la bibliothèque associative de Malakoff, j'habite en fait à côté de Malakoff, à Montrouge, et je suis membre de cette bibliothèque associative qui est en lien avec le CIRA. Eh bien, pour présenter l'histoire du projet Manhattan, le projet Manhattan, c'était le nom de code de l'opération qui a permis de créer la bombe atomique, les premières bombes atomiques, qui a démarré en 1942. Et qui s'est achevé en 1945 par les événements que vous savez, eh bien, il m'a fallu 6 heures, uniquement sur la partie historique. Donc, bien évidemment, je ne vais pas refaire, c'est impossible dans ce cadre-là, quoi. De refaire toute l'histoire. Et en fait, en plus, je vous laisse le soin de le découvrir dans le livre, d'une part... parce que c'est assez détaillé dans le livre, bien que j'ai retiré 100 000 signes. 100 000 signes, ça représente à peu près un cinquième du livre. Et puis que l'éditeur n'ait pas eu les moyens de mettre la soixantaine d'illustrations aussi qui étaient dans le manuscrit. Mais malgré ça, bon, c'est une bonne moitié du livre. Une petite partie intermédiaire concerne Fukushima, c'est-à-dire la catastrophe elle-même de Fukushima, qui est pas mal en lien avec Pierre Fété qui tient le blog et continue à tenir le blog sur la catastrophe de Fukushima presque 7 ans et demi, presque 8 ans après. Il continue à tenir. Bon, là, c'est les chapeaux. Et la dernière partie, c'est d'essayer de tirer les conséquences de l'analyse que je peux faire, de l'analyse historique que j'ai pu faire, donc de la création de la bombe atomique. Bon, donc trois parties dans le livre. Est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas? Oui, je le dis. Il semblerait, d'après tous mes lecteurs et mes lectrices, que quand on lit ce livre, on ne sorte pas indemne de la lecture. Bon, ça m'a été dit à plusieurs reprises, donc je suis obligé de le croire, mais pour moi, il a été difficile de prendre un recul par rapport à ce livre, parce que ça m'a demandé des années de travail sur un sujet à la fois très difficile... Et puis, la plupart du temps, sur des archives en ligne nord-américaines, des États-Unis. Et donc, vous imaginez que quand on travaille sur ce que j'appelle, moi, maintenant, le nucléaire, pour moi, c'est une formule à laquelle je tiens. J'appelle ça la figure de la mort la plus terrible que l'humanité ait jamais inventée. je l'explique aussi dans le livre, pourquoi j'emploie cette formule, pourquoi je pas, c'est pas comme ça pour faire joli, quoi, que j'emploie cette formule. Et donc, je dirais même qu'à certains moments donnés, c'est difficile de travailler sur un tel sujet qui est en fait la mort, quoi, hein, qui concerne la mort. Et donc ça m'a demandé aussi à moi un certain recul. Donc je l'ai dit, mais qu'on sort pas indemne de ce livre, paraît-il. Mais en même temps, moi je dirais que c'est un peu comme avec toute œuvre d'art. Si on, un concert, une exposition, etc. Si on sort le même que celui qu'on est quand on est entré, pardon. Que ça n'a pas eu aucun effet sur vous, c'est un peu raté. Tout, je ne compare pas mon livre à une œuvre d'art, mais je fais une analogie, si vous voulez. Bon, une lecture, c'est aussi valable pour moi, parce que si un livre me laisse exactement le même que celui que j'étais avant la lecture, ça ne m'aura pas apporté grand-chose. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire, c'est vrai que. Ça ne doit pas laisser indemne, mais en même temps, si on a envie d'un peu de réfléchir à la fois sur l'histoire, sur la vie, sur la philosophie, sur l'anthropologie, et même il y a des aspects maintenant, je travaille aussi sur de l'archéologie pour plein de raisons, enfin bref. Voilà, donc ça c'est une présentation du livre. Alors, dans la conclusion de la première partie historique, partie intermédiaire, c'est sur Fukushima. La troisième partie, des conséquences philosophiques, théoriques, politiques, etc. Hein? Donc, les conclusions de cette première partie historique m'ont amené à dire que, en fait, le nucléaire en tant que tel, c'est un crime contre l'humanité. En tant que tel. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques de qu'est-ce qu'ils font d'un crime contre l'humanité. Je vous citerai deux ou trois choses. D'une part, beaucoup des scientifiques de Los Alamos, là je vais parler uniquement de Los Alamos, alors qu'il y a la création de la bombe atomique entre 1942 et 1945, ça s'est fait sur 32 sites, et ça a mobilisé jusqu'à parfois plus de 500 000 personnes, quand il fallait faire des constructions dans les sites créés de toutes pièces, comme Hanford, comme Los Alamos, et puis comme le troisième qui m'échappe à l'instant, mais ça va me revenir. Oak Ridge. Le troisième, c'est Oak Ridge. Hanford, Oak Ridge et Los Alamos sont les trois plus importants, mais en fait, ça s'est fait sur 32 sites, parce que ça a mobilisé pas mal de laboratoires, privés et publics. Donc voilà. Et donc, j'en suis venu à soutenir... Et je le soutiens toujours, et je le soutiendrai mordicus tant qu'on ne démontrera pas le contraire, c'est que c'est un crime contre l'humanité. Donc, je vais avancer quelques détails qui sont les suivants. Lorsque le 16 juillet 1945, avant Hiroshima et Nagasaki, il y a eu une première explosion, un premier essai, le 16 juillet 1945. Dans le désert, à Alamogordo, dans le désert du Nouveau-Mexique, vers 5h du matin. Et donc là, ils ont fait un premier essai avec une bombe au plutonium parce qu'ils n'étaient pas sûrs que ça fonctionne. Donc Oppenheimer a fait le forcing par rapport au patron du projet qui s'appelait Leslie Groves pour faire un essai. Et pour voir si ça marchait. Je rentre pas dans les détails techniques là. Hein. Pourquoi ils ont fait l'essai avec la bombe au plutonium, etc. La bombe au plutonium, c'est celle qui sera balancée sur Nagasaki. Alors que celle qui va être balancée le 9 août. Alors que celle qui va être balancée le 6 août, c'est une bombe à l'uranium. Deux technologies différentes. Avec deux matières fissiles, comme disent les physiciens, différentes. D'un côté l'uranium, de l'autre côté le plutonium. Donc ils font cet essai le 16 juillet 1945. Bon, ils avaient fait évacuer les gens autour. Et ils avaient préparé un communiqué de presse aussi. Parce que l'éclair s'est vu à quelques dizaines de kilomètres, c'est entendu aussi à quelques dizaines de kilomètres, donc ils avaient préparé un communiqué de presse, Groves, Leslie Groves avait préparé un communiqué de presse disant « Cette nuit, un très très gros dépôt de munitions a explosé, mais grâce à Dieu, il n'y a pas eu de perte humaine. » C'est tout. Et puis en donnant plein de détails, c'est là que ça... Enfin, bon, la façon d'alimenter les médias, c'était déjà aux États-Unis toute une science, avec des guillemets, qui était mise au point, enfin, dont un des metteurs au point, on va dire, c'est Bernays dans les années 20, un neveu de Freud, et puis d'autres personnes, qui déjà avaient compris qu'il était important de manipuler les médias pour vendre sa marchandise. Donc il y avait déjà toute une... ça faisait 25 ans qu'aux États-Unis, ils avaient compris, si j'ose dire, qu'il fallait donner à boire et à manger aux médias, mais surtout des anecdotes pour faire passer le principal sous le tapis, quoi. C'est-à-dire alimenter beaucoup, donner beaucoup de détails, mais qui n'ont strictement aucune importance et qui surtout ne touchent pas l'essentiel. Je vais faire une parenthèse, excusez-moi, j'en ferai beaucoup. La parenthèse, c'est la comparaison avec Fukushima. Fukushima, c'est le 11 mars 2011. Il y a des centaines de journalistes du monde entier qui viennent au Japon. TEPCO ouvre une salle de presse. Et toutes les 3 heures, TEPCO donne une conférence de presse. Toutes les 3 heures, dans les premiers jours. Et on y va, on force détails, techniques, hyper techniques, hyper précis, etc. Très souvent, ils reviennent sur une précédente conférence de presse. Bon, excusez-nous, on s'est trompé, c'est pas tout à fait ça qui s'est produit, etc. Donc, ils alimentent un maximum. Moyennant quoi, ils ont mis 10 semaines à avouer le principal, c'est-à-dire que les réacteurs avaient fondu. Je répète, pendant 10 semaines, ils ont alimenté des dizaines, au début des centaines, et des dizaines de journalistes, en fait, compte jusqu'à temps que ça refroidisse, comme dirait l'autre, ce qui leur a permis de cacher l'essentiel qu'ils n'ont avoué que 10 semaines après. Vous voyez un peu jusqu'où ça peut aller. Bon, mais ça, c'était déjà dans la tête de ceux qui dirigeaient le projet. Puis, donc, ce projet, c'était un staff énorme dans lequel il y avait aussi des chargés de communication, hein, déjà, dans les années donc, entre 42 et 45. Je fais une petite temps de pause. Il faut digérer le truc. Non, c'est quelque chose d'incroyable, hein, ce truc de Fukushima. Bon, ils font grosso modo... Après, ils vont faire la même chose quand ils vont bombarder Hiroshima et Nagasaki. C'est-à-dire qu'ils vont se débrouiller pour qu'il n'y ait aucun document, aucune trace de ce qui s'est produit. En fait, en tout et pour tout, il existe deux photographies, absolument deux photographies à Hiroshima et pas plus. Donc, je reviens au 16 juillet 1945. Alors... Il faut suivre parce que je fais beaucoup, beaucoup de parenthèses. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que deux photos à Hiroshima. Moi, j'en ai vu beaucoup. Oui, mais deux photos au moment où il y a eu l'explosion. D'accord. Pardon, excusez-moi. C'est tellement clair dans ma tête que je ne précise pas, si vous voulez. Pardon. Effectivement, il y a eu beaucoup de photographies après le bombardement. Mais pendant le bombardement, pourquoi je dis ça? Parce que pendant le bombardement, qu'est-ce qu'on voit? C'est pas joli, joli, ceux qui ont réchappé, ceux qui réchappent au bombardement. Si vous êtes au courant. Hein. Ah oui, je sais. Donc, il n'existe que deux photographies sur un pont dont j'ai oublié le nom parce qu'il est japonais, je n'ai pas la culture japonaise. C'est deux photographies. D'ailleurs, c'est une des deux photographies que j'avais proposé qui soit dans le manuscrit, sans, à l'époque, je n'étais pas au courant que c'est une des deux photographies qui existe. Si j'avais été à l'époque au courant, j'aurais insisté auprès de l'éditeur pour que cette photographie soit, quoi. Donc, je reviens au 16 juillet 1945. Ils font péter cette première bombe, qui est à peu près de la même puissance que celle qui va péter après à Nagasaki. Et ils ont des instruments de mesure partout aux alentours de de Alamo Gordo. Le point dans le Nouveau-Mexique s'appelle Alamo Gordo et l'essai s'appelle le Trinity Site. Et puis, et la bombe est baptisée Gadget. Et donc, ils font péter cette bombe le 16 juillet. Donc, ils ont des instruments de mesure. À un moment donné, ils ont oublié, ils n'ont pas vu qu'il y avait deux familles dans un canyon. Et ces deux familles vont être pas mal irradiées. Ils vont les suivre sans leur dire qu'ils sont irradiés, que leur bétail a été irradié. C'est donc les... j'ai oublié le nom de famille, on trouvait dans le livre. Ils vont les suivre, et en fait, ils vont les suivre pour deux raisons. D'une part, pour s'assurer que ces fermiers ne vont pas porter plainte contre l'État. Et deuxièmement, pour suivre s'ils ont des maladies induites, comment ça se comporte. Donc ils vont être suivis à la fois par des services, tous les services secrets, une ribambelle de services secrets, et puis des médecins du projet Manhattan, pour voir comment ça évolue en quelque sorte chez eux. Mais avant ça, ils avaient déjà fait des essais sur un noir, par exemple, d'inoculation d'uranium dans les veines, pour voir les effets aussi, sans le dire aux patients, évidemment, hein, avec des seringues spéciales. Là aussi, j'avais des photos, mais ce n'est pas dans le livre, mais je rappelle ça. Donc, ils commençaient à faire des essais, avant même que les bombes atomiques explosent, ils avaient déjà commencé à faire des essais d'inoculation de l'uranium chez certains patients non prévenus et non consentants. Donc, je ne sais plus, enfin, c'était pas des condamnés c'était un accidenté. Quelqu'un qui a eu un accident. Et après, il y aura effectivement, ça va s'étendre, il y aura plusieurs centaines de personnes qui vont être comme ça, sur lesquelles des tests vont être effectués. Et ça va faire un scandale, mais le scandale n'éclatera qu'en 1993 aux États-Unis. Grâce à une journaliste ou un journaliste, je ne me souviens plus, qui a soulevé le lièvre, quoi. C'est encore toute une histoire, parce que bon. Si vous saviez, enfin bon, bref. Donc, je reviens encore de nouveau au 16 juillet, en fait. Et donc, ils avaient des instruments de mesure sur place, gardés sur place. Ils se sont aperçus que la radioactivité est montée, etc. Bon. Et ce qu'ils ont vu, c'est que à peu près trois semaines après, dans les premiers jours d'août, à la fin juillet, début août, la radioactivité remontait sur le site. Ça ne pouvait pas être le même nuage, parce qu'il avait été... En fait, ils ont compris très vite, parce qu'à l'époque, les jet streams étaient déjà connus, c'est qu'en fait, le nuage, il avait fait le tour de la Terre, et il revenait. Et c'est à ce moment-là que la radioactivité est remontée. Ce que vous pouvez trouver, bon, même sur les sites officiels de l'IRSN, là, les gens qui travaillent, les ingénieurs qui travaillent avec l'autorité de sûreté nucléaire, bon, vous pouvez trouver des schémas qui expliquent ce fait, c'est-à-dire que le nuage de radionucléides atteint la troposphère. Dans la troposphère, il y a les jet streams qui poussent le nuage et en fait, au bout de trois semaines, grosso modo, entre 15 jours et trois semaines, qui font le tour, suivant la latitude, et qui font le tour de la Terre. Bon, mieux que ça, confirmation de ça, plus exactement, pas mieux que ça, mais confirmation de ça, c'est que dans les années 60, il y a un glaciologue qui travaille au pôle Sud. Pas du tout anti-nucléaire. Un jeune glaciologue très, à la fois très, très, très scientifique et très sportif. Et en fait, ils font des carottages dans les glaces du pôle Sud. Et qu'est-ce qu'ils voient? En fait, ils voient tous les essais nucléaires qui sont enregistrés dans les glaces du pôle Sud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le premier essai au 16 juillet, en fait, c'était pas uniquement sur la partie nord de l'hémisphère, mais en fait, qui était la plus abondamment arrosée, si j'ose dire. Mais qu'en fait, les radionucléides, dès cette époque-là, se sont répandus sur l'ensemble dans l'ensemble de l'atmosphère. Ça, Claude Lorius, je donne les sources, tout ce que je dis est absolument sourcé et documenté, absolument. Donc, ils savaient très bien, avant de balancer la bombe sur Hiroshima et Nagasaki, ils savaient très bien que c'était pas seulement sur la population, le civil japonais, mais que ça allait atteindre l'ensemble du globe, parce qu'ils avaient fait le constat. D'accord ? Qui plus est, à l'époque, Donc, on est en juillet 45. En fait, le 8 mai 45, il y a la fin de la guerre avec les nazis, avec l'Axe, le 8 mai 45. Donc, ce à quoi était destinée la bombe, c'est-à-dire par rapport aux nazis, la bombe a été construite dans cette optique-là, les États-Unis. C'est-à-dire, certains avaient peur que les nazis construisent la bombe atomique avant. Donc ils se sont lancés à fond la caisse dans la création de la bombe atomique. En fait, dès 44 à Los Alamos, tous les scientifiques de haut niveau savaient que les nazis allaient perdre la guerre. Et bien, les historiens ici, en Europe, le tournant de la guerre de 39-45, c'est 1942 en fait. C'est novembre 42, c'est le débarquement des alliés en Afrique du Nord et qui prennent pied en Afrique du Nord. Ensuite, c'est novembre 42 aussi. Pourquoi ? Parce que donc les nazis qui avaient lancé l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion de l'URSS en juin 41, ils sont stoppés à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire Stalingrad, l'ancien nom. Et donc ils sont obligés de refluer. Et donc on sait que, enfin, rétrospectivement, les historiens disent que ça peut être 42, mais même bon, en 44, c'est évident qu'à l'été 44, bon, et je cite même des choses qui ont été dites à Los Alamos qu'un certain scientifique anglais a rapporté par la suite. Donc ça veut dire que, en fait, la bombe atomique, dès 44 et même avant, on peut le dire avant, mais en tout cas clairement dès 44, ils savaient très bien ils étaient conscients que c'était plus contre les nazis, mais c'était en fait pour asseoir leur domination en tant que puissance, en tant que nouvelle puissance, une domination mondiale. Donc si vous voulez, entre le fait de balancer une bombe dont ils savaient très bien que la radionucléide avait fait le tour de la Terre, ensuite que la volonté politique derrière ces bombardements, c'était plus de battre un ennemi qui était déjà défait, à savoir les nazis, mais de prendre une place, d'assurer une place primordiale dans le monde. En fait, c'est pas seulement les civils japonais qui ont été visés. Ils ont été visés, évidemment. Mais c'est parce que les radionucléides, si vous voulez, ont fait le tour de la Terre, c'est l'ensemble du vivant. Pas seulement des êtres humains, de l'ensemble des animaux, la faune, la flore, qui est impactée par les radionucléides. Donc, comment dire, mais là je ne rentre pas dans les détails, je vais vraiment assez vite. Donc, si vous voulez, c'est ça qui fait que j'avance, le nucléaire, enfin, cet acte-là est un crime contre l'humanité dès le début. Dès la première explosion, c'est un crime contre l'humanité. Bon. Après, il y a des gens comme Chris Busby qui ont travaillé avec une commission de 46 scientifiques à la demande des Verts européens en 1998. Ils ont travaillé pendant des années et ils montrent, alors on peut le voir sur Internet, on peut acheter le bouquin qui a été traduit par Paul Lannoy, c'est un rapport qui montre qu'en fait, depuis 1945, on peut dire qu'il y a plus de 60 millions de personnes qui sont mortes des suites du nucléaire en tant que tel. Du nucléaire, c'est-à-dire soit des explosions qui ont été effectuées depuis 1945, soit suite aux accidents nucléaires, soit suite au fonctionnement normal des centrales nucléaires. Et ils disent, par exemple, Chris Busby, que j'ai rencontré en 2012, dit que les normes, par exemple, de protection des travailleurs des centrales nucléaires, en fait, pour vraiment les protéger, il faudrait qu'elles soient divisées par 10. C'est-à-dire, ce qu'on admet aujourd'hui comme irradiation pour les travailleurs du nucléaire, on ne devrait pas l'admettre. Les normes devraient être 10 fois plus basses, quoi. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a tout un nombre de pathologies qui sont entraînées par le fait même de travailler dans le nucléaire ou bien d'habiter autour du nucléaire. Bon, ça, on l'a vu à la suite d'un des premiers accidents nucléaires en Angleterre en septembre-octobre 1957, parce qu'on s'est aperçu que les enfants des travailleurs de ce centre britannique-là avaient des malformations. Parce qu'il y a une transmission génétique. Et alors, bon. Alors, c'est un crime contre l'humanité, mais tout à fait spécial. Quand je dis crime contre l'humanité, ça vous fait penser à un autre crime contre l'humanité, qui est Auschwitz-Birkenau, ce que j'appelle moi Auschwitz-Birkenau. Mais c'est un autre type de crime contre l'humanité. C'est pas le même type, si vous voulez. Parce que ce crime contre l'humanité, là. Alors, je reviens sur les 60-65 millions de morts, sans compter toutes les maladies, etc., hein, depuis 1945, attribuées à l'existence même du nucléaire. Pourquoi je disais ça? Ça va me revenir. C'est un crime contre l'humanité très spécial dans le sens où, en fait, en tant que tel, c'est une atteinte au patrimoine génétique de l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a une transmission via le père. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la génétique là, mais c'est pas non plus automatique. Les malformations des pères qui ont été irradiés se transmettent, mais pas de manière automatique. Il faut qu'ils trouvent le gène, le bon gène, pour que ça se combine. Mais c'est là, c'est toujours là, et ça reste là. C'est-à-dire qu'il y a une atteinte, si vous voulez, au patrimoine génétique, premièrement. Deuxièmement, ces radionucléides, ils ne s'évaporent pas comme ça. C'est-à-dire le plutonium, il a une demi-vie de 29 000 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 29 000 ans, sa radioactivité elle a seulement baissé de moitié. Donc on les a pour un bout de temps. Et puis, alors le troisième aspect, enfin il y a plusieurs aspects, mais le troisième aspect, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça a produit plus de 60 millions de morts, mais comme, pour l'histoire officielle, si vous voulez, pour l'histoire officielle, si on ne peut pas compter les morts tout de suite, là, comme ça, sur un champ de bataille ou dans un accident, etc., ça n'est pas pris en compte, parce que ça ne constitue pas, si vous voulez... Ça ne constitue pas un événement qui est parfaitement localisable dans le temps et dans l'espace, parce que c'est partout dans le monde. Ce n'est pas localisable donc dans le temps. Et puis, il y a autre chose, c'est que les gens qui soutiennent le nucléaire, ce qu'on appelle les nucléocrates, instillent le doute sur les effets à long terme, y compris des faibles doses. Donc, si vous voulez, ils contestent le fait même que le nucléaire en tant que tel, que les radionucléides en tant que tel, puissent avoir des effets à long terme. Mais ça, ils le contestent depuis le premier jour Hiroshima-Nagasaki, même sur place. C'est-à-dire que Groves déclare quelques jours après, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, c'est vrai, mais il n'y a aucune suite à attendre de ces bombardements. Ce qui était un mensonge à peu près gros comme... Comme la planète. C'est ça, c'est à peu près ça. C'est vraiment, c'est un truc, mais c'est... Quand on étudie cette histoire, vous avez les bras vous en tombent, quoi. Des trucs... Je pourrais vous citer 1000 détails, quoi. C'est-à-dire dans les cibles qu'ils choisissent, etc. Ils réfléchissent, ils choisissent des villes qu'ils ont pas bombardées pour voir exactement l'impact que la bombe atomique va avoir. Alors ils se posent la question à un moment donné, est-ce qu'on bombarde Kyoto? Parce que Kyoto, bon, c'est une ville de tradition, d'une haute tradition culturelle. Donc les survivants seront des gens intelligents qui seront à même de répandre la nouvelle comme quoi c'est une arme terrible. Mais finalement, comme Stimson avait fait un voyage à Kyoto, il a dit non, il ne faut pas bombarder Kyoto parce que c'est un centre internationalement connu, ça va se retourner, dans l'image, ça va se retourner contre les États-Unis, enfin bref, des choses, et là-dedans, Oppenheimer, même dans les premiers temps, qui dit, bon, si on veut, parce qu'ils avaient envisagé plusieurs types d'armes, des torpilles, empoisonner l'eau avec les radionucléides, etc. Et donc Oppenheimer, à un moment donné, dit, non, empoisonner l'eau, si on n'arrive pas à faire plus de 100 000 morts, c'est pas intéressant. C'est texto, hein. Ce que je vous dis, c'est texto, c'est pas des racontars ou des choses comme ça. T'es combien de morts à Hiroshima, à Nagasaki? Alors, sur le coup. Sur le coup, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais plusieurs dizaines de milliers. Et puis après, ça continue, quoi. Ça continue. Je crois que Au jour d'aujourd'hui, on doit être aux alentours de 300 à 400 000, je crois, quelque chose comme ça. Sans compter les malformations, etc. Bon, ouais, bon. Des trucs, mais. Je vais le dire quand même, je vais le citer. Dans les hauts d'Hiroshima, après le bombardement, les États-Unis construisent 5 pavillons et dans lesquels ils vont mettre en fiche tous les survivants d'Hiroshima qui ont été irradiés et ils vont les étudier pendant 30 ans pour voir ce que ça devient. Ils vont faire des films, des photographies, des dossiers très précis. Ils vont les chercher en jeep, ils ont toute une flotte de jeep pour aller les chercher parce qu'il n'y a plus de moyens de transport, etc. Bon, ils les convoquent avec l'assentiment des autorités japonaises d'ailleurs. Donc année après année, ils font ce suivi et jamais dans ces centres de 5 pavillons-là, des hauts, c'est Nijiyama, non, c'est pas Nijiyama, je ne veux pas dire de bêtises parce que c'est toujours le même problème avec les noms japonais. Donc dans les hauts d'Hiroshima, dans ces 5 pavillons, pendant 30 ans, ils suivent des gens, mais à aucun moment donné, jamais, ils n'ont soigné une personne. Vous m'entendez bien? À aucun moment donné, ça s'appelle la BCC. Bomb Casualty. ABCC. Je suis fatigué. Donc, à aucun moment donné, ils n'ont soigné une personne dans ces 5 pavillons-là, pendant 30 ans. Ça avait déjà été relevé par Oe, le célèbre écrivain japonais qui était aussi dans un mouvement anti-nucléaire, Kenzaburo Oe. Donc, c'est un crime contre l'humanité, mais tout à fait spécifique, qui a ses spécificités. C'est pas du même type que Auschwitz, Hiroshima, il est spécifique. Donc, à partir de ce moment-là, moi, ça a commencé la réflexion, pour moi. Et la remise en cause, bon, j'ai fait des études d'histoire, pour tout vous dire, puis d'autres études aussi. À Paris 8 avec des profs d'histoire qui étaient comment dire, pas des bénis oui de l'histoire. Et donc ça a commencé là. Je vous dis un peu ce qui s'est passé pour moi pour que vous ayez de la matière. C'est pas un livre comme ça, uniquement des choses écrites, mais il y a un auteur derrière. Il y a quelqu'un qui a écrit ça et quel était son cheminement. Bon, parce que c'est intéressant. Je trouve que ça peut avoir un intérêt, en tout cas. Alors, en fait, à partir du moment où moi, je suis arrivé à la conclusion que le nucléaire en tant que tel, parce que c'est pas seulement Hiroshima et Nagasaki, si on voulait être précis, c'est déjà Alamo Gordo, donc le 16 juillet 1945, Hiroshima et Nagasaki, c'est déjà au moins 3. Donc, à partir du moment où moi j'arrive sur cette chose-là, que c'est en fait c'est un crime contre l'humanité, mais très très spécifique, je passe sur plein de détails. Je me suis dit, mais comment se fait-il qu'à exactement au même moment il y a un autre crime contre l'humanité, quoi, qui se soit produit? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et c'est dans cette Seconde Guerre mondiale, quoi. Bon, et moi, bon. Je me suis dit, bon, il y a Anguille Souroche, quoi, il faut aller regarder ça. Alors, il se trouve que, là, on va aborder le sujet difficile et qui fâche. Il se trouve qu'auparavant, j'avais travaillé sur ce que j'appelle le mode de connaissance scientifique. Là, je fais un grand bond en arrière, je passe de 1945... à la fin du 19e siècle pour parler de l'eugénisme. Je fais un bond en arrière de 50 ans. Vous me suivez? D'ailleurs, c'est important de faire ce bond en arrière, parce que, bon, comme dirait Shlomo Sand, l'historien israélien, il dit, en fait, si vous voulez caractériser un moment d'histoire comme une rupture dans l'histoire, il faut qualifier ce qui s'est passé avant et il faut qualifier ce qui s'est passé après. Et à ces conditions-là, et ensuite en ajoutant, est-ce que ce sont des faits nouveaux qui se sont produits à ce moment-là ? À ce moment-là, vous êtes en mesure de dire si c'est une rupture ou pas une rupture. Or, moi, je soutiens maintenant, aujourd'hui, et depuis un bout de temps maintenant, que 1945, c'est une rupture dans l'histoire du capitalisme et du vivant sur Terre. D'ailleurs, enfin. Donc, pour comprendre pourquoi c'est une rupture dans l'histoire, je fais un bond en arrière, si vous voulez, de 50 ans. J'arrive au 19e siècle, même je devrais faire un bond de 150 ans normalement. C'est un peu trop pour moi. Donc, en fait, j'avais travaillé sur la science et j'en étais arrivé à l'eugénisme et au nucléaire aussi. Donc, qu'on soit bien, qu'il n'y ait pas de malentendu, moi, je ne suis pas contre la raison. Je ne suis pas contre la science. J'ai une formation d'ingénieur. D'ailleurs, je suis bien formaté. Je m'en suis aperçu. Vous te représentez. Mais, si vous voulez, là, moi, je ne suis pas en train d'avoir un discours genre Tea Party, créationniste ou je ne sais pas quoi, des sectes comme ça. Pas du tout. Hein. Absolument pas. Par contre, j'avance maintenant qu'un certain nombre de choses dont les personnes qui se réclament d'une critique radicale, sur lesquelles les personnes qui se réclament d'une critique radicale feraient bien de réfléchir. Je fais exprès d'être percussif. C'est sur le mode de connaissance scientifique, en fait. Voilà. J'en étais arrivé en étudiant l'eugénisme. Bon, si on veut vraiment savoir ce que l'eugénisme, ce qu'est vraiment l'eugénisme, il faut lire André Pichot, pardon. André Pichot. Un de ses bouquins maîtres, mais il en a écrit plusieurs. C'est La société pure de Darwin à Hitler. La société pure de Darwin et Hitler. C'est un maître livre. Ça fait 350 ou 400 pages, écrit petit, mais c'est vraiment un livre très très très documenté au niveau historique, etc. Donc, alors, l'eugénisme, parenthèse supplémentaire, excusez-moi, en fait, ce qui est difficile, ce qui est relativement difficile, c'est qu'en fait, moi, je mêle plusieurs niveaux d'analyse. Je vais mêler un niveau d'analyse, de psychanalyse, un niveau historique, un niveau philosophique, un niveau anthropologique, etc. Donc, c'est assez difficile. J'en ai conscience. Donc je vous prie de m'excuser à l'avance si je fais des digressions comme ça, et puis si c'est pas facile parfois à me suivre. Donc je reviens à l'eugénisme. J'en étais arrivé à la conclusion qu'en fait, comment on peut interpréter psychanalytiquement l'eugénisme ? Et moi j'ai aussi il y a des choses de la psychanalyse que je critique en plus. Donc comment on peut l'interpréter psychanalytiquement ? C'est qu'en fait l'eugénisme, c'est la transgression du tabou du meurtre. Je m'explique. Dans toute société, quelle qu'elle soit, toute société qui est une société humaine, il y a un tabou du meurtre, ou une interdiction, un interdit du meurtre, si vous voulez. Parce que s'il n'y a pas cet interdit, on va s'entretuer tous les uns en tant qu'on est, bon, il n'y a pas de possibilité de vivre ensemble. C'est pour ça que, on dit que c'est un meurtre, quoi. C'est un assassinat, et donc c'est puni par la loi, par n'importe quelle loi, etc. Ça dépend des sociétés, etc. Mais il y a un interdit, un des interdits fondateurs de toute l'humanité, c'est l'interdit du meurtre. Ah, c'est comme ça. S'il n'y a pas d'interdit du meurtre, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de société, il n'y a pas de civilisation. Et la patrie, quand des gens ? Alors, voilà une très bonne... Alors... La patrie qu'on défend. Excellent. La patrie qu'on défend. Et voilà. Ah. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en fait, à ce moment-là... Le V de l'interdit. Exactement. Il y a le grand autre, comme on dit en psychanalyse, l'autorité, quelle qu'elle soit, étatique, etc., qui dit... Comme vous êtes mobilisé, vous avez un uniforme, etc., moi, État, je vous autorise à tuer votre prochain, un autre truc. Donc, c'est l'État qui lève l'interdit, en fait. L'État lève l'interdit du meurtre. Pour l'ordre de Dieu aussi, on peut tuer. Oui, aussi, oui, par le passé, bien sûr. Ouais, bien sûr. Voilà, une autre autorité. Il y a une autorité qui lève l'interdit du meurtre. Mais le problème, c'est que quand on veut analyser ce qui se passe aujourd'hui, il faut analyser les spécificités de ce temps. C'est-à-dire, la levée de l'interdit, en 14, par exemple, elle ne s'est pas faite au nom de Dieu. Elle s'était faite au nom de la patrie, de la nation, de tout ce que vous voudrez. Quoi. La connerie, surtout. Mais ça, ils n'allaient pas le dire. Ça, je crois qu'on est d'accord. Moi, j'avais mon grand-père qui m'a raconté des choses, parce qu'il était à Verdun. Ça m'est resté gravé dans la tête. Et donc, qu'est-ce que c'est l'eugénisme ? Je fais des raccourcis. Hein. Donc, c'est une transgression de l'interdit du meurtre, mais une transgression qui est légitimée par le mode de connaissance scientifique. C'est-à-dire, à ce moment-là, en fait, bon, ça serait très long l'histoire, hein, mais en fait, au 19e siècle, il y a la classe ouvrière qui commence à monter, il y a une nouvelle classe, des nouvelles classes qui se forment, la bourgeoisie, la classe ouvrière. Et donc, et si vous voulez, bon, c'est une classe dangereuse, la preuve, il y a des révoltes et des révolutions tout au long du siècle, quoi. Donc, ils sont vraiment vus comme des gens dangereux. En plus, ils sont dans des conditions absolument misérables. Il faut lire le rapport de Villermé de 1836. C'est des conditions, mais terribles, absolument inimaginables, quoi. Terribles, dans lesquelles les ouvriers, les ouvrières et les enfants sont, quoi. Aussi bien dans les fabriques qu'à l'extérieur, quoi. Et donc, ils sont vus comme des classes, comme une classe dangereuse, quoi. Et puis, à partir du moment où la science cristallise, dans les années 1850, voilà, on les affuble aussi du fait qu'ils soient à l'origine d'une possible dégénérescence de la race blanche. Ces gens, les mêmes, toujours les mêmes, hein, les pauvres, etc., et qu'effectivement, qui sont dans des conditions tellement misérables qu'il y a des maladies, qu'il y a l'alcoolisme, etc., etc., comme dans toutes les populations hyper exploitées, hyper dominées, ils sont dans des conditions terribles. D'ailleurs, si vous voyez le film de Ken Loach sur 1945, il n'y a pas les archives de 1836, mais il a les archives des années 1930 en Manchester et à Liverpool, en Angleterre. Vous voyez même en 1930 les conditions des ouvriers à Manchester et à Liverpool, dans le film de Ken Loach, vous vous dites, mais alors qu'est-ce que ça devait être un siècle plus tôt, quoi ? Qu'est-ce que ça devait être un siècle plus tôt ? Le peuple d'Anbar de Jacques London. Hein ? Le peuple d'Anbar de London. Ouais. Ça, il suffit de le dire. Ouais, ouais, ouais. Et donc, si vous voulez, ils sont coupables aussi, non seulement sont dangereux, mais ils sont coupables d'une possible dégénérescence de la race blanche. Donc, l'eugénisme, ça vient là, avec la montée du mode de connaissance scientifique. Après, il y aura un eugénisme positif, un eugénisme négatif, etc. Mais en fait, dès les années 1903-1904, l'eugénisme, ça se traduit, par exemple, dans les camps allemands de Namibie, dans lesquels les Herero et les Lamas sont éradiqués, ils sont tués, quoi. Mais en même temps, il y a des camps de la mort dans lesquels, en 1904, ils font des expériences sur les Herero et les Lamas en Namibie. Et dans ces expériences, il y a Fischer, qui sera le prof de Mengele, Eugène Fischer, qui sera l'ami indéfectible Heidegger, jusqu'à la fin de sa vie. L'ami indéfectible de Heidegger. Deux grands amis, tous les deux. Fischer. Donc Fischer commence à faire des expériences sur les corps des Africains, Herero et Nama. Et il envoie des crânes à Berlin, au Wilhelm Institut de Berlin. Et c'est qu'en 2006, d'ailleurs, que les Nama ont pu récupérer les corps de leurs ancêtres. Enfin, bref. Donc, mais tout ça commence. En fait, si vous voulez, quand au niveau psychanalytique, vous dites, il y a une société qui se met en place, le capitalisme, en fait, à la fin du 19e siècle, structure majoritairement les relations sociales. C'est-à-dire, ça, en gros, si on peut le dire comme ça, il devient majoritaire, quoi, il gagne la bagarre, même s'il y a, par exemple, en France, encore 50 à 55% de paysans. En fait, ce qui structure les relations sociales, c'est le capitalisme. À partir de la fin du 19e siècle. Ça structure l'ensemble des relations sociales. Même s'il y a des poches, etc., c'est ça qui domine, quoi. C'est dominant. Eh bien, c'est en même temps que le capitalisme devient dominant, que c'est une concomitance, si vous voulez, historique, hein. C'est qu'à ce moment-là, c'est aussi à ce moment-là qu'il y a cette transgression du tabou du meurtre qui est quelque chose de fondateur dans toute culture, dans toute société, dans toute civilisation. C'est quand même un peu questionnant, ça aussi. C'est-à-dire, vous avez une civilisation qui se met en place fin 19e siècle, une civilisation capitaliste qui se met en place, et à peu près au même moment, vous avez un phénomène qui se produit, qui n'est pas n'importe quoi, et moi je dis que ça ouvre toutes grandes les portes au siècle des génocides, comme Brunetaud l'a dit. Il a fait tout un livre sur les génocides au XXe siècle. Moi je dis que là, il y a quelque chose de fondateur, justement, dans ce siècle des génocides. Bon. Ensuite de ça, 14-18, même, bon, comment il s'appelle, l'historien anglais, ça va me revenir, il dit qu'en fait, il faut parler d'une guerre de 30 ans en Europe, entre 14 et 45. Parce qu'il y a effectivement deux guerres mondiales, mais entre il y a une guerre sociale, en fait. Avec la dépression et les millions de chômeurs et le nazisme et puis le franquisme, etc., etc. Donc, si vous voulez, l'effondrement. En fait, il y a un effondrement des sociétés occidentales de cette civilisation capitale. Il y a un effondrement. Donc, lui dit, c'est... Hobsbawm. C'est Hobsbawm, merci. Ouais. Traverso reprend un peu ça, mais Hobsbawm, c'est mieux. Donc, il dit, il y a une guerre de 30 ans. Et en fait, moi, je dis dans le bouquin, là, dans la dernière partie, je dis, voilà, 14-18, c'est pas seulement une guerre mondiale, c'est pas seulement une guerre industrielle, c'est pas seulement une guerre totale, c'est-à-dire c'est que l'arrière aussi est bombardé, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que, en fait, les soldats sont les producteurs et les produits de leur propre mort. C'est, on peut dire que en 14-18, ceux qui sont au front, ils sont les producteurs et les produits industriels de leur propre mort. Ça veut dire que c'est quelque chose qui leur échappe. Ça veut dire aussi que trois quarts des familles françaises, par exemple, sont touchées par la violence de cette guerre. Et il me semble me souvenir, que c'est la moitié des familles qui ne pourront pas enterrer leurs morts. Mais ça, il faut le vérifier, ce dernier chiffre-là. Cette dernière estimation, pardon. Donc, parce qu'on ne peut pas retrouver des gens. Bon, mon grand-père m'expliquait très bien. Hein. Je veux dire, quand il y a l'artillerie qui bombarde sans arrêt, mais nuit et jour, et que c'est partout, ça tombe, toutes sortes d'obus, etc. Les corps, quand ils se trouvent là-dedans, ils sont volatilisés. On ne trouve même pas les corps, quoi. On trouve peut-être des ossements, machin, etc. Mais c'est pas possible, quoi. Bon, c'est si terrible, quoi, que jusqu'en 1922, malgré l'interdiction, il y a des familles françaises qui vont de nuit sur les champs de bataille pour essayer de, avec des lettres, de oui, il a été tué là, etc., d'essayer de retrouver les corps de leurs proches qui ont été tués, comme ils n'arrivent pas à retrouver, la plupart du temps, quoi. Mais c'est pour vous dire, quoi. Et pourquoi ça s'arrête en 1922? Parce qu'à partir de 1922, il y a tout un truc qui est fait ça peut peut-être continuer, mais il semblerait que ce grand mouvement s'arrête parce qu'à partir de 19 et puis après 22, il y a des manifestations qui sont des grandes manifestations, dont la création du tombeau du soldat inconnu par l'État, et aussi des dizaines de milliers de mairies dans lesquelles il y a des monuments qui sont érigés aux morts, etc., pour faire le deuil d'un deuil impossible, quoi. Et il semblerait que ça ait ralenti le mouvement. Au revoir là-haut, là-dessus. Oui. Ah oui. Prost a beaucoup écrit. Oui. Donc, si vous voulez, une chose que les historiens ne peuvent pas comprendre sur 14-18, c'est qu'en fait, c'est ce que je vais dire là maintenant, c'est que, avant de le dire, je vais dire autre chose, c'est que ce qu'on peut dire, c'est que la création du capitalisme thermo-industriel au début du 19e siècle, pardon, fin 18e siècle, fin 18e en Angleterre, et puis après dans tout l'Occident, en fait, c'est une prolétarisation des individus, c'est-à-dire que les individus sont dessaisis de leur propre être, quoi. Ils ne sont plus que la continuation de la machine, en fait. Donc ça, c'est des choses qui sont connues. Voilà. Et moi, ce que j'avance, c'est que, en fait, en 14-18, c'est que c'est la mort elle-même qui est prolétarisée. C'est-à-dire que les individus et les proches sont dessaisis de leur propre mort. je répète, la prolétarisation, c'est un dessaisissement de l'être qui n'est plus qu'un appendice de la machine dans le capitalisme thermo-industriel. Et moi, j'avance qu'en 14-18, avec cette guerre totale mondiale, enfin industrielle totale mondiale, il y a un dessaisissement des êtres de leur propre mort, c'est-à-dire il y a une prolétarisation de la mort. Et là, ça va loin. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, si vous regardez, si vous étudiez un peu l'histoire de l'être humain en tant que tel, ça en passe par différentes époques, depuis 7 millions d'années, où on s'est séparé des primates, il y a des étapes dont on peut dire qu'il y a une étape d'hominisation, ensuite une étape d'humanisation, après de subjectivation. Eh bien, dans l'humanisation des êtres qui nous ont précédés, avant Sapiens d'ailleurs, la bipédie, la maîtrise du feu, les croyances, les sépultures, le langage articulé, ça fait partie du fait qu'il y a eu des êtres qui se sont hominisés. C'est avant même l'humanisation, ils se sont hominisés. Il y a tout un processus pour devenir être humain dans l'histoire depuis 7 millions d'années que nos ancêtres existent, quoi. Et donc, dans ce processus, la question de la sépulture et du respect dû aux morts a été une étape essentielle. Et j'avance qu'à partir du moment où on peut dire qu'il y a une prolétarisation de la mort en 14-18, c'est une régression terrible, une régression civilisationnelle. Donc, en fait, ce capitalisme qui s'installe à la fin du 19e siècle, cette civilisation capitaliste, elle en passe par... Il faut faire le tableau, il faut faire tout le tableau. Là, je retourne encore un siècle en arrière, fin 18e siècle. Que dit l'histoire officielle et les marxismes classiques, etc. Ils disent, je résume, hein, ils disent, le capitalisme, effectivement, thermo-industriel, ça veut dire thermo-industriel, ça veut dire qu'il n'utilise plus seulement le vent, l'eau et la traction animale, mais qui utilisent le charbon, c'est-à-dire thermo, c'est le feu, le charbon, avant ils utilisaient le charbon de bois aussi, le charbon et le pétrole. Mais majoritairement, ça devient le charbon aux alentours de 1850-60 par là. Là, c'est Alain Gras, le choix du feu. Donc, si on revient au début du capitalisme thermo-industriel, qu'est-ce qui se passe ? Contrairement à ce qu'on nous dit dans tous les manuels d'histoire, il n'y a pas des paysans qui d'un coup, c'est l'exode rural, ils vont voir les lumières de la ville, ils sont attirés par les lumières de la ville. C'est pas du tout ça. Bon, là je peux pas détailler, hein. Mais en fait ils sont chassés de leur terre, ils sont chassés et ils deviennent, comme dirait Majid Ranema, de ceux qu'on taxe de pauvres. Majid Ranema dit il y a une puissance des pauvres, de pauvres ils deviennent miséreux. De ceux qu'on appelle pauvres, ou de paysans, mais ces paysans, ils avaient quoi ? Ils avaient un savoir vernaculaire, ils avaient le savoir de la terre, du temps, des animaux, de comment il fallait cultiver, etc., etc., etc. Ils avaient tout un savoir millénaire engrangé. Mais ce savoir-là, en fait, il est, de plusieurs manières, il est cassé. Un, par l'exode, il y a des millions d'Occidentaux qui sont des migrants, qui deviennent des migrants, il y a des millions d'Italiens, de Français, d'Irlandais, d'Allemands qui migrent vers les États-Unis, ils sont chassés de leur terre. Et ils deviennent soit des miséreux dans leur terre, soit des gens qui sont convaincus qu'ils vont fonder le mot ne me vient pas là. Mais ils pensent qu'ils vont fonder une... ça va être le salut pour eux, quoi. Ça résonne avec la religion protestante, cette histoire. Et donc, en fait, il y a une... Contrairement à ce qu'on dit tous les marxistes, qu'est-ce que disent les marxistes de cette époque-là ? Ils disent, les marxistes classiques, hein, bon, et là, moi, j'ai une dette par rapport à ce qu'on a, à la critique de la valeur, mais bon, j'y reviendrai après, qui est une nouvelle façon de lire Marx. Ils disaient... En fait, oui, il y a peut-être eu ça, il y a peut-être des inconvénients, mais c'est la marge de l'histoire, et il faut qu'on en passe par le capitalisme pour arriver au socialisme. Donc, en fait, il y a une vision téléologique de l'histoire, si vous voulez, il y a une vision progressiste de l'histoire qui passe par pertes et profits, ce qui se passe à ce moment-là. Or, ça a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, en fait, tous ceux qui ont protesté d'une manière ou d'une autre, soit par des révoltes ou des révolutions, mais même par des poètes, des artistes, tous ceux qu'on a qualifiés de romantiques, que ce soit dans la littérature ou dans les autres arts, on les a qualifiés de romantiques, c'est-à-dire de gens qui s'accrochaient aux choses du passé. Mais c'était quoi ? C'est quoi le fondement de ce à quoi ils s'accrochaient ? Alors c'est vrai que parmi certains qui protestaient, il y avait peut-être de la réaction. Il y avait aussi, c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient du côté de la religion et qui étaient du côté de la réaction, comme on disait il y a 30 ans, 40 ans. C'est vrai, ça. C'est vrai. Mais le fondement de toutes ces révoltes, le fondement, je parle bien du fondement de ces protestations, si vous voulez, de ces révoltes, de ces révolutions, de ces protestations même artistiques, etc., c'est que c'est une bagarre contre ce que produit le capitalisme thermoxtrait, c'est-à-dire une déshumanisation profonde. Ce que produit le capitalisme, c'est une déshumanisation. C'est une protestation contre ça. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'il y en a encore aujourd'hui qui nous disent que ça, d'évoquer ce truc des romantiques, etc., c'est une critique artiste. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien. Enfin, ils sont restés dans l'histoire officielle. Ils sont restés dans l'histoire officielle, qui passe par pertes et profits le fait que, en fait, comme dirait Karl Polanyi, si on veut comprendre qu'est-ce que produit le capitalisme en Occident à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle, il faut le comparer à ce que produit la colonisation en Afrique et ailleurs. C'est-à-dire une déstructuration de tous les liens sociaux, de tous les savoirs, etc. Les savoirs vernaculaires, tout ça. Et là-dessus, le mode de connaissance scientifique joue son rôle, c'est-à-dire que les savoirs sont balayés au profit de la connaissance. Mais les savoirs et la connaissance, ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Les savoirs, je répète, les savoirs et la connaissance, ce sont deux choses différentes. Bon, donc vous voyez que ça a des conséquences, etc. Je vais arrêter là, parce que je suppose qu'il y a déjà des questions, mais il y a des choses essentielles dont je n'ai pas parlé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'au fond... Donc, je vous rappelle, j'ai une formation d'ingénieur, donc je ne fais pas une... J'ai oublié de dire que tu avais une formation d'historien aussi. Oui, oui. Qu'est-ce que je veux dire ? Moi, je ne fais pas un rejet de la science bêta. Je ne fais pas, un rejet ni de la science, ni de la raison. Au contraire, la raison et la rationalité, il faut la faire marcher. Mais il faut la faire marcher dans un sens critique, quoi. Il faut un petit peu avoir un recul par rapport à ça. Bon, j'arrête parce que... comme vous voulez. Soit je continue, soit... Bah après, on peut relancer ce que tu as à dire, on peut le relancer par les questions. Bon, enfin, en tout cas, merci pour cet petit aperçu, parce qu'effectivement, le sujet est très vaste, puisqu'on est remonté, on est parti de nucléaire pour remonter aux origines de l'humanité, puis on peut repartir dans l'autre sens. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, en tout cas, merci, déjà, pour ton intervention. Et puis, maintenant, la parole est à vous. N'hésitez pas. Et sinon, s'il n'y a pas de questions, tu recontinues. Non, mais je n'ai pas voulu t'interrompre. Par rapport à l'interdiction du... le tabou de l'interdiction... Du meurtre, ouais. Fascinante question. Tu fais remonter ça où ? Quand ? Ouais, c'est important parce qu'en fait, je passe à une vitesse phénoménale sur plein de choses. Bon. En fait, l'eugénisme, c'est Galton, dans les années 1870, c'est Spencer, et c'est ensuite, c'est Ernst Haeckel, c'est le plus grand vulgarisateur de Darwin dans tout l'Occident. Il fait partie de 10 académies, ses bouquins se sont vendus à des dizaines de milliers d'exemplaires, Haeckel, il est le vulgarisateur de Darwin. C'est lui qui, en 1868, fait une classification des races, dans laquelle, en bas, devinez qui y a, et en haut, devinez qui y a. En haut, il y a les Indo-Germains et les Aryens. Je veux dire, devinez d'où vient Haeckel. Donc c'est toute une classification, etc. Bon, il fait des falsifications pour faire son truc, machin, etc. Mais en fait, l'eugénisme, c'est quelque chose qui est absolument partagé par tout le monde scientifique dans tout l'Occident. C'est pas remis en cause. Et spécifiquement, d'ailleurs, dans les pays nordiques à culture protestante, ça marche beaucoup moins dans les pays latins, c'est-à-dire en France, en Italie, en Espagne, c'est très très minoritaire, alors qu'en Suisse, en Allemagne, dans tous les pays du Nord, aux États-Unis, c'est tous les scientifiques sont acquis à cette cause de l'eugénisme, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose pour que la race blanche reste la race blanche. Après, ils mettent plein de choses là-dedans. Mais en plus, c'est un mouvement de masse. C'est-à-dire, c'est une idéologie dominante. En fait, c'est une idéologie dominante. Il y a des mouvements de masse. C'est-à-dire, par exemple, dommage, j'ai pas pu reproduire les... Mais il y a des réunions publiques, il y a des magazines. Par exemple, aux États-Unis, il y a des magazines féminins qui parlent de l'eugénisme, etc. Toute l'intelligentsia occidentale est convaincue de ça, quoi. Alors, dans le précédent bouquin, j'avais retrouvé le bouquin d'un Américain qui avait été nommé avant que les États-Unis rentrent en guerre en 17. Il avait été nommé au GQG allemand, au grand QG allemand, et il avait interviewé les généraux allemands en 17, hein, avant avril 17. Et il a rapporté un bouquin de ça qui s'appelle Headquarter Nights. Headquarter, ça veut dire le quartier général. Les nuits passées à Headquarter. Puis il y a un sous-titre dont je ne me souviens plus. Et le nom de l'homme, c'est Vernon Kellogg. Et donc, il rapporte un bouquin, donc en 17. Hein, j'ai déjà parlé de la Namibie, de ce qui s'était passé en Namibie avec Fischer en 1904. Je n'ai pas dit qu'en 1903, que c'est l'association des éleveurs. États-Uniens qui financent les mouvements eugénistes. J'ai pas dit non plus qu'en 1907, les premières lois eugénistes sont prises aux États-Unis, en Indiana. J'ai pas dit plein de choses. Mais en 17, donc il rapporte son livre du fait qu'il a été nommé au GQG allemand pour surveiller, parce qu'ils étaient accusés d'avoir fait des massacres de civils belges et français dans le nord de la France avant 17. Et donc il est nommé pour, je ne sais plus par quel organisme international, il rapporte ce bouquin et il explique qu'il a des discussions avec les grands généraux allemands qui disent, ils lui tiennent ce langage, ils lui disent, écoutez, comme c'est l'Allemagne qui représente aujourd'hui le plus haut degré de civilisation, ben, ça doit être l'Allemagne qui doit gagner la guerre. Et ça sera un bienfait pour l'humanité. Et ça doit être l'Allemagne qui doit gagner la guerre. Ça c'est typiquement un raisonnement eugéniste. Et même certains ajoutent, si, il le rapporte dans son bouquin, hein, Vernon Kellogg, si l'Allemagne ne gagnait pas cette guerre, ça serait un désastre pour l'humanité au point que je ne voudrais pas voir cette horreur. C'est-à-dire qu'il envisageait de se suicider, ou qu'il disait en tout cas vouloir se suicider, pour ne pas voir le fait qu'une autre nation que l'Allemagne gagne la guerre, donc fasse reculer la civilisation. Ça veut dire que même si c'était chez les généraux allemands, bon, après on sait que 60% des médecins nazis étaient déjà des convaincus de l'eugénisme, par exemple. Et c'était d'ailleurs une des catégories socioprofessionnelles les plus acquis au nazisme, les médecins allemands. Non. Ce qui est quand même assez contradictoire par rapport au serment d'Hippocrate. Hein. Et pour en arriver là, c'est bien que ça montre la force de cette idéologie. C'est pour ça que je cite cette anecdote-là, enfin, c'est pas une anecdote d'ailleurs, cet épisode de 17, pour montrer qu'en fait, ça avait gangréné tous les pores de la société, quoi. Et y compris ce qu'on appelle les élites, quoi. Peut-être même... Avant tout, les élites, quoi, parce que la naissance de l'eugénisme, pour moi, elle coïncide avec la fin de la mainmise des monarchies, en fait, où la monarchie, de par son fonctionnement, c'était... Ça sauvegardait bien... la race, vraiment la naissance de l'eugénisme, c'est le passage des monarchies à la naissance des États. Bon, l'Allemagne, c'était un empire, mais Enfin, ça coïncide, mais justement, c'est pas une coïncidence. Enfin, on peut le voir comme ça, mais sans oublier que la légitimation fournie par le mode de connaissance scientifique est très important, parce qu'à ce moment-là, c'est justement ça qui devient la nouvelle vérité à la place de l'ancienne vérité. C'est notre histoire. Est-ce que chez ces généraux allemands, cet eugénisme, enfin cette idéologie eugéniste qui les a conquis, se fonde pour eux sur l'existence d'un dieu transcendant? Ça, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas vers moi, Nicolas. Là. Parce que, si tu veux, quand on dit on doit gagner la guerre, le devoir, on doit gagner la guerre parce que nous sommes les plus meilleurs. Dans les plus civilisés. Forcément sur l'existence d'un dieu, quelque part, qui va diriger la guerre. Quoi. Ah non, pas forcément. Il peut y avoir, oui, d'accord, mais il peut y avoir la version laïque de ce truc-là. C'est-à-dire que ce que rapporte Vernon Kellogg, ce que j'ai lu, moi, c'est qu'en fait, c'est au nom, pas d'une transcendance, mais au nom du fait que la culture et la civilisation allemande, c'est la plus avancée et la plus épanouie, la plus riche de toute l'humanité. Ce qui est d'ailleurs en symbiose avec ce que dit Haeckel quand il classe les races et qu'il place les Indo-Germains et les Aryens en haut de sa classification, là. Et eux, d'après ce que dit Vernon Kellogg, ils avancent des arguments de type laïque, c'est-à-dire pour le bienfait de la race et pour le bienfait de l'humanité, il faut que ce soit les Allemands qui gagnent parce que ce sont les Allemands qui ont le plus haut degré de civilisation et donc c'est les bienfaits de cette civilisation. Voilà. La civilisation allemande va étendre ses bienfaits sur l'ensemble du monde. De façon parfaitement symétrique, les Français, à la même époque, ont présenté tous les Allemands comme des monstres, des gens épouvantables qu'il faut supprimer le plus possible. C'était ça aussi le discours en 14-18. Oui, mais il n'y a pas le même type d'argumentation, c'est vrai. Ah, c'est pas la même argumentation. C'est pas le même type d'argumentation. Mais on dit la même chose quand même. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut, être très précis dans les argumentations. Et c'est vrai que, bon, à peu près tous les intellectuels, sauf Romain Rolland, ils sont sombres, quoi, en 14-18. Pas tous, mais presque. Oui, heureusement, il y a quelques-uns qui ont pas sombré. L'ennui de Romain Rolland, c'est qu'il a sombré un peu plus tard, mais de l'autre côté. Oui, mais il y a dans la chanson de la Marseillaise, le sang impur à preuve nos sillons. Alors, c'était les Allemands, quand même. Non, le sang impur, c'est les pauvres. Non, mais je dis que c'est tous les martyrs, le sang tout. Et c'est toute la corruption. Non, mais attends, excuse-moi, je réponds à ta phrase. Le sang pur, c'est les nobles. Oui, c'est... Et le sang impur, c'est les pauvres. Ils vont mourir. Oui, c'est les nobles. C'est ça. Même si après, on peut avoir d'autres interprétations. Enfin, c'est ce que j'ai appris. Pour revenir à l'eugénisme, ça a fasciné tous les milieux, parce que quand on lit des textes des certains anarchistes individualisme néo-malthusiens, ils parlent d'eugénisme. Alors je pense que c'était pas pour éliminer les races, mais c'était dans un sens faire moins d'enfants, mais en meilleure santé, qu'ils soient... Mais finalement, ça rejoint un peu l'idée de pureté, tout ça. Quoi. Mais on le voit souvent, hein, et comme tu disais... Même en Espagne, chez les anarchistes espagnols individualistes, on voit Reynismo, ça existe, ils en parlent. Mais je crois qu'ils n'entendent pas la même chose. L'eugénisme et le contrôle des naissances, c'est ça. Oui, il y a, c'est très fluctuant, il y a des parentés, mais il n'y a pas forcément... Il y a la question du passage à l'acte, etc. C'est important, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi, chez les individualistes, il y a la notion d'une hygiène de vie qui fait que en évitant l'alcool, le tabac, etc., on va faire des enfants en meilleure santé. Pour en revenir à ce que vous disiez sur le nucléaire, que tous ces inventeurs de tout ça. En somme, ils étaient conscients que le nuage, enfin, que ça se répandait, et en somme, c'est vrai, puisqu'on le constate dans les glaces. Eh bien, moi, je me dis qu'en somme, je dis qu'ils sont... ils ont l'esprit comme des kamikazes, parce que finalement, l'atome, elle les détruira eux aussi, tous ces savants, parce qu'ils ne seront pas... Une fois leur bombe partie, et d'ailleurs dans tous ces savants, sûrement, ils sont morts aussi de ce qu'ils ont inventé. Quoi. Ils ne sont pas immunisés. Ils sont pas immunisés. Donc je me dis qu'ils sont comme les kamikazes d'une religion qui se disent ben, on fout les bombes et puis. On se tue nous aussi, et eux finalement ils ont fait cette bombe atomique, mais ils en mourront eux aussi, ils ne vont pas se cacher dans un bloc, à moins qu'ils inventent ça, mais je suis sûr. Si, ils y ont pensé à se protéger. Ils vont morfler comme tout le monde, alors finalement c'est un truc, ils se détruisent aussi eux-mêmes. Ouais. Et oui, mais enfin, s'ils le font pour la suprématie de leur État, ils se dévouent. Et là, il faut lire le CQFD du mois de décembre, le dossier il est là-dessus, évidemment, sur justement comment on a bien pensé à se protéger, en tout cas les... Sur le nucléaire, il est sur le nucléaire Non, pas sur le nucléaire, mais sur l'apocalypse, en fait, voilà. Sur l'apocalypse, mais l'apocalypse a forte vocation scientifique, quoi, comment la science. Et justement, il y a tout un aspect sur... alors là, on déborde d'imagination pour trouver des solutions pour se protéger de ce qu'on a inventé, finalement. Mm-hmm. Et il y a des... Il en est question. Comme leur richesse, elle vient de la plus-value, et que s'ils tuent tous les prolétaires, ils n'ont plus personne pour les servir. Et c'est ça qu'ils ont pas. C'est ça le truc. Ils veulent en même c'est un peu comme dans Soleil Vert, tu vois, le film. En même temps, il faut que les prolétaires soient dans des conditions affreuses, et en même temps, eux, il ne faut pas qu'ils meurent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux, téléguider la Terre de la Lune, tout comme ça, quoi. Oui, c'est quand même étonnant, mais il pensait à se protéger, pour revenir à ce que disait la copine, il pensait à se protéger, ou il s'en foutait, là, les premiers scientifiques, ceux qui ont fait ces essais, là. Par exemple, ils sont dans un monde un peu particulier, quand, par exemple, les scientifiques de Los Alamos, certains déclarent que c'était pour eux l'aventure humaine et la plus importante de leur vie, bon, humaine et professionnelle, bon, ils étaient vraiment dans un monde à part, quoi, c'est-à-dire dans le monde de l'abstraction, quoi. Et dans le monde de l'abstraction, qui est celui de la physique, notamment la physique des particules, la physique nucléaire, etc., le vivant, il n'existe plus. Oui, mais on navigue dans l'abstraction. Eux-mêmes, ils acceptaient d'en mourir, quoi, finalement. Ouais. Moi, je crois que comme beaucoup, ils pensaient passer au travers, ou même certains sont passés au travers, vraisemblablement. Oui, comme toujours. Mais comme... Ce qu'on ne comprend pas, c'est que les Japonais se sont mis à faire le nucléaire, l'électricité. Comment on ne comprend qu'en ayant souffert du nucléaire, ils aient pu construire ces choses, et que maintenant, ils ont fait une ville à Hiroshima, ou je ne sais pas, enfin, il y a des villes qui sont sur les le lieux, musée, où musée. La bombe a autre chose. Non ? Le musée. Oui, un musée. Oui, mais enfin, le musée, il est visité, donc il y a encore des traces et tout ça, sûrement, je ne sais pas. En fait, quelques traces, oui. Quelques mais ils traces. Sont pressés de tout reconstruire et de tout recouvrir très vite. Parce qu'en fait, il y a eu, pendant 7 ans, il y a eu une occupation des États-Unis au Japon, avec une collaboration, je dis bien une collaboration totale des autorités japonaises avec leurs vainqueurs, totale. La censure était une censure de tous les instants et dans tous les domaines. Il y avait 7000 militaires états-uniens qui se préoccupaient de la censure. Il n'était pas possible de passer au travers de cette censure. Donc, ils ont été. Il y avait d'une certaine manière, ils étaient obligés de collaborer, mais en même temps, ils n'étaient pas non plus obligés de collaborer jusqu'au point où ils ont collaboré. Et bon, moi, enfin, je connais mal l'histoire du Japon, mais je ne sais pas s'il y a eu, enfin, il y a eu des mouvements, mais je pense que c'était après 52, des mouvements de résistance nucléaire, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en fait les États-Unis ont exporté, parmi leurs premières centrales, ils les ont exportées au Japon. Ce qui est une manière de recouvrir le délit, de cacher le cadavre, en fait. C'est une manière de cacher le cadavre. Parce qu'à partir de 53, les États-Unis mènent toute une campagne en disant que le nucléaire, c'est la vie. Les gens d'Hiroshima apprécient. Et d'ailleurs, on sait très bien, on sait que parmi les réacteurs qui ont explosé à Fukushima, c'est des réacteurs de Westinghouse, dont ils savaient très bien au départ qu'il y avait des malfaçons. Construites par les Américains. Ouais. Des malfaçons. Donc c'est voulu pour qu'il... Non, c'est pas voulu. Non, c'est pas voulu. Attention. Non, mais en fait, c'est pas un voulu. Risque à prendre. Ils se disaient, bon... Non, mais ils ont planqué le truc. Ils ont mis la chose sous le tapis. Sous le tapis. Mais on l'a su à cause de toutes les expertises qui ont eu lieu depuis l'accident de Fukushima. Ah, ouais. Donc ça, c'est dans les années... très tôt, je ne sais plus quelles années ils ont construit le premier central. Ils ont construit très vite au Japon le premier central. C'est un des pays qui a le plus d'énergie nucléaire en pourcentage. Oui. Enfin, il est comme la France et les États-Unis, c'est fort, c'est élevé. Ouais. C'est au 28 ou 30% quelque chose comme ça de l'énergie électrique fournie par la centrale. Le Japon aussi. Non, je parlais du Japon, là, oui. 28 à 30%. Ah, oui. 28 à 30%. Ceci, avant l'accident. Ceci dit, alors, toutes les centrales ont été arrêtées. Donc, ce qui prouve qu'on peut vivre sans nucléaire. Ah oui, d'accord. Ben, si on avait fait la même chose qu'au Japon, par exemple, moi j'avais fait des calculs. Sur 58 réacteurs, ça veut dire qu'on si on avait fait exactement comme le Japon, on aurait pu arrêter 26 réacteurs sur les 58. Bon, et puis voilà. Il me semble que dans ce qui contribue en effet au crime contre l'humanité, c'est la durée de vie des déchets. Ouais. Le fait qu'en plus, on trouve. C'est aussi mettre sous le tapis, on décide d'en pouvoir. C'est le cas de venir. Profondément, oui. Et puis on a l'air. Et ça, c'est vraiment. Que sera l'humanité et les autres espèces vivantes. Parce que. Moi, j'ai un point de vue, je suis désolée, mais. Ça m'agace quand on se préoccupe tout le temps des humains. Je dirais que les humains, ils sont une toute petite partie du vivant sur la planète. Hein, et les autres, ils n'ont rien demandé. Hein, donc, bon. Les enfants non plus, hein, c'est des humains, ils n'ont rien demandé. D'ailleurs, par définition, enfin, ils ne demandent pas la bête. On le met dans le monde de tête. Alors, quand tu ne le sais pas, tu peux excuser, mais quand tu le sais, franchement, je suis désolée, me voilà eugéniste. Disait le camarade tout à l'heure, il y a une différence entre le contrôle des naissances et le génisme. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Et l'Allemagne va supprimer toutes les centrales nucléaires. Ils arrêtent au fur et à mesure en Allemagne. Oui, oui, ils ont. Mais ils n'en ont pas beaucoup en Allemagne. Pas beaucoup. Non, puis ils vont apporter de l'électricité française. Non, c'est pas. Ils font pas ça déjà. C'est facile d'arrêter si tu importes du pays à côté. C'est comme si on avait demandé des choses. C'est abominable quand même. Oui, d'ailleurs, c'est est-ce qu'on peut expliquer un peu plus le rapport entre la pensée scientifique et puis sa toxicité, oui. Là, on va rentrer dans le dur, là. Hein. Oui, ben c'est ça qui est dur. Un peu, pas pendant une heure, mais si vous ne l'avez pas dit, finalement. Ça, c'est très compliqué, mais si vous voulez, je crois que c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que c'est venu aussi de la réflexion sur le nazisme. On ne peut pas expliquer... je vais le dire autrement. Quand un régime dure... pendant 12 ans, 1933-45, et même dans la jeunesse, 20 ans, puisque les nazis étaient majoritaires chez les étudiants en 1925, 20 ans. Donc on ne peut pas expliquer la pérennité d'un système social, quel qu'il soit, uniquement par la contention. Quand un système dure, et qu'il dure longtemps, c'est qu'il y a quelque chose d'une résonance dans l'imaginaire des gens, qui rentre en résonance avec le réalisme. Donc ça, il faut le transposer au niveau du capitalisme. C'est-à-dire, pour expliquer qu'un système, malgré tous ses détriments, malgré la prolétarisation des individus, malgré la prolétarisation de la mort, malgré le nazisme, tout ce qu'on voudra, dure depuis deux siècles, c'est qu'il y a quelque chose en chacun de nous qui est en résonance avec ce système. Et ce quelque chose, c'est ce que j'appelle, voilà, on rentre vraiment dans le dur là, c'est ce que j'appelle l'imaginaire. Nous avons un imaginaire, y compris le mien, structuré par la rationalité calculatrice. Alors. Alors, j'ai tout compris. Alors, on revient à la science, au mode de connaissance scientifique. Alors, le mode de connaissance scientifique, moi je préfère parler de mode de connaissance scientifique plutôt que de science. Parce qu'il peut y avoir plusieurs modes de connaissance. Il peut y avoir un mode de connaissance bouddhiste, il peut y avoir un mode de connaissance psychanalytique, il peut y avoir un mode de connaissance shintoïste, il peut y avoir un mode de connaissance je ne sais pas quoi. Enfin bref. Et puis en plus, le mode de connaissance, ça produit des connaissances, ce qui est encore une fois différent des savoirs. C'est-à-dire les connaissances, c'est quelque chose qui est hors sol, alors que les savoirs, ce n'est pas hors sol. Bien. Donc, alors là. Alors, 17e siècle, Galilée dit, quand il fonde la base du mode de connaissance scientifique moderne, il est, pour ce faire, il prend en compte que la forme, le mouvement et le temps, ou la vitesse. Et il met tout le sensible, c'est-à-dire les sentiments, la couleur, la température, parce que de côté, et il dit, voilà, ça c'est le fondement. Ça doit être le fondement de la science. Forme, mouvement et temps. Et c'est à partir de cette base-là que se constitue le corpus scientifique. Ce qui est mesurable. Voilà, c'est ce qui est mesurable. Bien. Grâce à l'écrit et à l'imprimerie, il peut y avoir une accumulation primitive, comme on dit qu'il y a une accumulation primitive du capital, grâce à l'écrit. Donc il y a Newton, etc. Mais en fait, ça, ce que je viens de dire, c'est la méthodologie, c'est-à-dire on met de côté le sensible. Ça, c'est la méthodologie. Mais l'objet du mode de connaissance scientifique, c'est de rendre compte du réel par une relation abstraite et commensurable. Par exemple, pour définir l'énergie, E égale MC2. Ou pour définir la chute d'un corps, petit d égale 1/2 de gamma T2, etc., etc. Donc je répète, d'une part, il y a une méthodologie, ça c'est la première chose, la méthodologie qui met le sensible de côté. Aujourd'hui, on dirait, on met tout ce qui est subjectif, si on veut être objectif, tout ce qui est subjectif de côté. Ça c'est la méthodologie. Deuxièmement, l'objet lui-même du mode de connaissance scientifique, je répète, c'est de rendre compte du réel ou d'une région du réel, parce que là je ne vais pas rentrer dans ce qui s'est passé au début du XXe siècle pour le mode de connaissance scientifique avec Einstein. Donc de rendre compte du réel ou d'une région du réel par une abstraction commensurable, c'est-à-dire qu'on puisse effectivement le chiffrer, le mesurer. Et comment ça cristallise au milieu du XIXe siècle. Pourquoi ? Parce qu'il y a, juste un peu avant, la preuve expérimentale par Lavoisier, et juste un peu après, à partir de 1857, les premières revues scientifiques à comité de lecture, c'est-à-dire Nature, et puis les premiers congrès internationaux, c'est-à-dire la preuve expérimentale et la validation par les congrès, c'est-à-dire la validation par les pairs. Donc le mode de connaissance scientifique, je répète, c'est quoi ? C'est un corpus scientifique qui s'élabore à partir d'un substrat qui est construit en évacuant le sensible. Ça, c'est la méthodologie. Deuxièmement, son objet, c'est de rendre compte du réel par une abstraction commensurate, pouvoir rendre compte du réel de manière chiffrée. Troisièmement, il faut la preuve expérimentale. Et quatrièmement, la validation par les pairs. Donc on peut dire que le mode de connaissance scientifique moderne, en fait, il cristallise en tant que tel au milieu, grosso modo, hein, au milieu du 19e siècle, 1850-1860. Et le problème, alors là, donc si vous voulez, il y a déjà plusieurs problèmes qui découlent de ça. Premièrement, dans cette logique, si vous voulez, de tout chiffrer, rien ne peut arrêter ce mouvement, c'est-à-dire de tout transformer en chiffres. Et de fait, c'est transgressif par rapport à la vie. C'est-à-dire si... Donc quand vous êtes dans un corpus, une méthode, etc., qui ne tient pas compte du sensible et qui va dérouler, si j'ose dire, sa machinerie calculatrice, rien ne peut arrêter. D'ailleurs, ça fait partie du truc populaire, rien ne peut arrêter les sciences. Rien ne peut arrêter la science. C'est vrai. C'est-à-dire ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de je sais pas comment de cobaye, il n'y a pas de cobaye, mais de trucs comme ils ont fait en Chine là, de... Vous voyez ce que je veux dire là? Non, les bébés éprouvettes. Voilà, les clonages. Clonage, merci. Le clonage. Évidemment, ça viendra. Évidemment. En l'état actuel des choses. Hein. En l'état actuel des choses. Donc si vous voulez, c'est une logique, rien ne peut arrêter, parce que vous ne pouvez pas arrêter le chiffrage. Le chiffre, vous ne l'arrêtez pas. Vous ne pouvez pas arrêter quelque chose qui se réclame de la rationalité. Mais c'est une drôle de rationalité, parce que des rationalités, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup de formes de rationalité. Là, c'est une rationalité, ce que j'appelle une rationalité calculatrice. Cette rationalité-là, cette forme de rapport au monde, qui est de tout calculer, comme diraient les jeunes, je te calcule, ou bien comme on fait dans la vie depuis quelque temps, on a des amitiés et des copinages en fonction de stratégies et de tactiques de carrière, par exemple. C'est une autre façon de calculer. Si vous voyez ce qui m'a mis la puce à l'oreille dans... Voilà. Alors ça, c'est en résonance avec le capitalisme. Parce que le capitalisme, c'est quoi? C'est exactement ça. C'est faire du chiffre. C'est ce que Anselm Japp appelle la valorisation de la valeur. C'est-à-dire de 100 euros, comment je peux le transformer en 120, 120 en 140, 140 en 160, etc. Et c'est la seule chose qui intéresse le capitalisme. Le reste, il s'en fiche complètement. Et la vie, par exemple, au capitalisme, il s'en fiche complètement. C'est un automate, comme disait Marx déjà. C'est un truc automate. Eh bien, du coup, la rationalité calculatrice, c'est aussi un automate, si vous voulez. Le problème, c'est que nous, depuis le 11e siècle en Occident, avec les moines, commencer avec les moines, avec la façon de compter l'heure, etc., etc. On a aussi notre imaginaire à nous, il est structuré par cette rationalité calculatrice. Comment on peut s'en apercevoir? Moi, j'ai la chance d'être né dans un autre continent, dans une autre histoire, etc., etc. En Afrique, en fait. Et quand, c'est moins valable maintenant, mais quand vous alliez en Afrique, il y a 40 ans, par exemple, quand des Blancs allaient en Afrique, même des Blancs très gentils, hein, qui voulaient faire construire une maison et tout ça, et qui demandaient à des Africains de venir les construire la maison, par exemple. Et que, on disait, bon, tu viens de 8h du matin jusqu'à 5h du soir. Hein. Et qu'ils ne voyaient pas l'Africain pendant 3 jours, et que l'Africain, et le Blanc, il ne comprenait pas, quoi. Absolument incompréhensible. Parce qu'en plus, l'Africain, il arrive 3 jours après et il lui dit, mais bah, je n'étais pas là pendant 3 jours, mais c'est normal, j'avais un mariage. Et un mariage, ça dure 3 jours. Donc, les Blancs, là, ils deviennent fous. Parce que ce sont pas le même imaginaire. Ça, il faut faire de l'ethnologie comparatiste pour bien comprendre ce truc-là. C'est pas du tout... Excusez-moi. Le truc du Burkina Faso, vous l'avez pas vu, ce film? Là, je fais, pour la fois, Joker. Pour une fois, je fais Joker, parce que là, il faut que je continue sur ça. Excusez-moi, non. Joker. Continue le raisonnement. s'il vous plaît. Donc, si vous voulez, le mode de connaissance scientifique, que moi j'appelle mode de connaissance, c'est pas un rejet, hein, donc on a besoin de la science, par exemple pour la question de climat, on a besoin de la science pour savoir ça. Après que y ait des marchands de doute qui marchent à fond la caisse et que les scientifiques eux-mêmes soient obligés de faire des pétitions de 15 000 scientifiques pour faire accroire leurs travaux, ça c'est autre chose. Ça, il faut se poser la question pourquoi on en arrive là. Ça, c'est encore une autre question. Mais ce que je veux dire par là, il y a en fait, ce qui fait la force du capitalisme depuis deux siècles, c'est que le mode de connaissance scientifique en tant que tel, dont l'objet c'est de réduire le réel à une abstraction commensurable, et le capitalisme de l'autre côté, dont l'objectif c'est de tout transformer en une abstraction commensurable, y compris le vivant, et si possible de le faire circuler le plus rapidement possible pour que ça fasse de l'argent. Marx n'aurait pas du tout imaginé qu'aujourd'hui, ça circule, un, à la vitesse de la lumière, dans des abstractions qui sont des 0 et des 1, et que ces abstractions représentent elles-mêmes des abstractions, c'est-à-dire de valeur, de valeur, de valeur, de valeur, de valeur, de valeur, de valeur, de valeur, à la puissance n. Donc on est là dans l'abstraction, si vous voulez. Et là, il y a une synergie qui se met en place, si vous voulez, de facto. Il n'y a pas de grand Manitou, il n'y a pas un truc complotiste, hein, il n'y a pas un grand marionnettiste qui tient ça, pas du tout, attention, hein. Mais de facto, comme le mode de connaissance scientifique qui cristallise au milieu du siècle, qu'au milieu du siècle 19e, il y a aussi une accumulation primitive du capital qui s'est fait, qu'au milieu du siècle, il y a les états-nations modernes qui aussi cristallisent, eux aussi, si vous voulez, il y a ce que j'appelle cette triple alliance, en fait, entre les États, le capitalisme thermo-industriel et le mode de connaissance scientifique. Triple alliance, encore une fois, de facto. C'est pas, il n'y a pas des accords, il n'y a pas de grand Manitou derrière ce truc-là, de facto. Ça fait que, comme le capitalisme devient, comme je l'ai dit tout à l'heure, il devient majoritaire, il structure majoritairement les relations sociales, donc on peut parler à ce moment-là d'une civilisation capitaliste, et en fait, comme nous aussi on est héritiers de toute transformation mentale depuis le XIe siècle, notre imaginaire, il est en résonance avec le capitalisme. Je dis bien notre imaginaire, y compris le mien, contrairement à certains qui pensent, en étant sur le belvédère de la critique de l'économie, dominer les choses et donc être eux-mêmes abstraits de tout ce qui se passe dans la société. Je dis bien, mon imaginaire aussi, il est structuré par la rationalité calculatrice. Et c'est ça qui est en résonance, c'est ça qui fait, c'est une des choses qui fait que le capitalisme perdure encore. Alors, pour ceux qui ont vécu mai 68, j'ai oublié de le dire tout de suite dans la foulée, qu'est-ce qui se passe en mai 68 ? C'est quelque chose que ni droite ni gauche, etc., ont toujours passé sous la table. Qu'est-ce qui se passe dans les premiers jours de mai 68 ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme la société est bloquée, il n'y a absolument plus rien qui fonctionne comme avant. Et les personnes, les êtres humains ne peuvent plus fonctionner comme avant. Ça ne peut pas, c'est pas possible. La société est complètement à l'arrêt, bloquée et tout ça. Ben, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ? L'ancien imaginaire, c'est-à-dire cet imaginaire structuré par la rationalité calculatrice, paf ! Il se retourne. Parce que cet imaginaire structuré par le calcul, par la rationalité calculatrice, dans une société qui est complètement à l'arrêt, qui est totalement à l'arrêt, la grève de 9 à 11 millions, la plus grande grève de ce pays qui existera jamais, et en 68, plus les mouvements étudiants hyper violents, insurrectionnels, etc., qui mettent soi-disant l'état fort de Gaulle, qui se fait scapa le 25 mai là-bas en Allemagne en hélicoptère, qui amène même sa famille, ça on le savait pas, sa famille en Allemagne, parce que tellement ils avaient les pétoches, et puis que dans les cabinets ministériels, ils sont tous aussi, ça je le sais de première main, eh bien, l'imaginaire de tout le monde, vous voyez, moi je me souviens sur la Canebière, j'étais au lycée Thiers, moi, parce que c'était le lycée Thiers en 68, et j'étais un des cinq... C'était de la commune. Exactement. Et je faisais partie du mouvement lycéen. Moi, à l'époque, j'étais lycéen à Puget, hein. Et le centre de tout le monde, c'était la commune, exactement. Les photos ici. Exactement. Et donc, en fait, j'étais parmi les trublions là de 68. Mais si vous voulez, l'imaginaire, il se retourne. Il se retourne. C'est ce que, moi, ce que j'ai vu à certains, à une plus petite échelle, par exemple, la nuit debout. Et avec sa sensibilité, là, il n'avait pas mis de côté la sensibilité. Voilà, voilà. Il y a tout bascule, si vous voulez. C'est ça qui gêne beaucoup de gens à droite et à gauche, etc. C'est ça qui est une, c'est pas la seule, mais c'est le truc de l'insensibilité qui est toujours, qui est jamais cité, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tout devient possible, si vous voulez. C'est un peu en petit ce que j'ai vécu place de la République en 2016 avec une nuit debout, si vous voulez. Vous voyez les yeux des gens qui brillent, si vous voulez, de tout âge. Il y a quelque chose, il y a des architectes qui viennent construire des igloos avec des tubes PVC, il y a des avocats, machin, qui viennent, il y a des repas qui sont fabriqués nuit et jour, et là, ça fourmille de trucs, ça, des idées, c'est des discussions. Il y avait une école populaire, hein. Moi j'ai parlé dans ce truc. Ça, si vous voulez, à une petite échelle, si vous voulez, il y a quelque chose qui bascule. Et ça, ça... C'est le feu, quoi. Exactement. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec ce qui se passe avec les gilets jaunes et tout ça, vous pensez que l'imaginaire change ou c'est... Comment vous voyez ça, en fait, par rapport à aujourd'hui et 68? Moi, je suis très humble par rapport à ça. Je dis, je vois certaines choses comme vous. Je suis pas. J'étais pas là en France, là, quand ça a pris, 1er décembre, etc. Il faudrait en fait aller sur les, ouais, sur les ronds-points, en fait. Moi, j'ai pas été. Moi, j'y suis, mais bon, moi, je vois certaines choses. Ça va dans le même sens. Par exemple, le samedi, ce que j'ai vu, par exemple. Ça, par contre, il y a un truc très, très, très, très, très, très intéressant. C'est que j'ai essayé de voir l'envers du décor du pouvoir. Le 1er décembre, là où ça a été insurrectionnel à Paris, ça a été insurrectionnel. Le 1er décembre, ça a été insurrectionnel à Paris. Hein. C'est là que ça a commencé un peu à bouger. Hein. Ça avait commencé avant, mais bon, là, ça... Non, mais par rapport au gouvernement, je crois. Oui, oui, oui. Voilà. Mais... Parce que sinon, jusqu'à présent, il ne faisait rien, quoi. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe le soir du 1er décembre? Il y a l'autre, là, Philippe, là, comment... Je sais toujours de prénom. Édouard Philippe, c'est pas Gérard. Oui, c'est pas Gérard. C'est ça. C'est Édouard Philippe. Il y a une vidéo qui existe, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais il y a une vidéo. Est-ce que quelqu'un a vu cette vidéo? On voit le Premier ministre, là, le soir même ou le lendemain, un des deux. Il va dans une caserne du 17e arrondissement. Et il a devant lui tous les responsables de la police, des CRS, de gendarmes mobiles, etc. Il est... Alors, je vais essayer de vous le refaire. Il les a tous là, comme ça, devant lui, là. Bon, vous êtes les flics. C'est le soir. C'est vous les flics, là. Merci, monsieur, merci. Allez, faites les flics, là. Non, là, c'est pas possible parce qu'on se regarde à vous. Donc, il a tous les responsables devant lui. Si vous n'avez pas cette vidéo, je vous l'envoie le truc. Donc, ça vous faut vraiment le voir. Alors, il y a Philippe qui est là, il dit écoutez, je sais que vous avez eu une journée très difficile. Je sais que certains d'entre vous ont été affrontés à une violence jamais vue depuis des décennies. Je sais que ça a été vraiment très dur et nous tenons, au nom de la République, à vous remercier vraiment parce que là, vous avez eu un rôle extrêmement important dans cette journée qui restera gravée dans nos mémoires. Vous voyez, c'est la décision de la sinistre. Il faut le voir. Il a eu la trouille de sa vie. Il a eu la trouille de sa vie, je vous assure. Je vous l'envoie, le lien. Il a eu la trouille de sa vie. Et le lendemain, c'est Macron qui fait la même chose, qui va faire ça à sa vie. Là, on n'a pas de vidéo. Mais lui, ça vaut son prison de cacahuètes de voir cette vidéo. Parce qu'il a eu vraiment. Il est là pour remercier, en fait, les forces qui gardiennent de leur ordre. Il est là pour ça. Hein. Il est là pour ça. Mais là, ils ont une grande trouille, quoi. Ils ont une trouille. Oui, la trouille, d'accord, ça existe. Mais là, la manif, on est passé dans la rue Grignan. parce qu'on est passé, on voulait aller à la corniche et puis finalement on a pris le tunnel et finalement on se retrouve dans la rue la plus riche de Marseille avec bien sûr tous les trucs bien baissés et il y avait des gilets jaunes et pas jaunes aussi qui s'énervaient devant un Louis Vuitton bien gardé par une grille. Et ben j'ai vu, de mes yeux vus, les vendeurs et les mecs qui étaient dans le magasin se foutent de notre gueule, mais franchement, en mode marquis de Sade, tu vois, comme on se fout de la gueule, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont la trouille, mais des fois, ils n'ont pas la trouille. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, chez Louis Vuitton, etc., bon, on voit qui c'est, ces gens-là. Hein. Ouais, bah, bon, ouais. Non, mais c'est clair. Mais ils prennent l'exemple sur le grand chef Macron, hein, aussi. Ils se foutent de notre gueule tous les jours, je veux dire. Je peux vous dire une chose, c'est que par exemple, à Paris, vous voyez, quand les manifs se font, ils sont toujours dans la partie est de Paris, quoi, République, Bastille, Nation, etc. Moi, personnellement, quand j'ai vu les trucs à l'étranger, quand j'ai vu que les trucs se passaient dans les beaux quartiers, et que c'était des super 4x4, des machins, Avenue Hoche, Avenue Foch, etc., je peux vous dire, moi, c'était une sacrée réjouissance. Je préfère maintenant qu'il y ait des manifs dans ces quartiers-là que dans les quartiers, populaires de Paris. Quoi. Bon. Après, moi, ce que je dis aux copains par rapport aux gilets jaunes, il y a une chose qui est, à mon avis, à peu près, qu'on peut dire avec certitude, c'est que ça en prend le chemin, vraisemblablement, là, on ne peut pas faire des trucs. Mais plus ce mouvement dure, plus il va se politiser. C'est comme les Nuits Debout, mais malheureusement les Nuits Debout. Même nous, à Malakoff, il y a un groupe depuis 2016 qui existe toujours, de Nuits Debout. Ce que je veux dire par là, c'est plus un mouvement dur, plus il arrive. C'était l'erreur du mouvement étudiant, d'ailleurs, au printemps 2018. Moi, j'étais à Tolvia, par exemple, tout ça. Moi, c'était l'erreur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris, ils n'ont pas mis en premier le truc de faire durer le mouvement le plus longtemps possible. Parce que c'est en faisant durer le mouvement le plus longtemps qu'il y a une politisation qui se fait, qui touche tout le monde. Ça s'essouffle aussi. Ça s'essouffle. Il y a moins en moins de gens en prison. Après. Oui, mais peut-être sur les week-ends de manif. Parce qu'après, sur les ronds-points, les péages, etc., on se fait bombarder. Je veux dire, moi, je suis pas mal d'action là-dessus. On n'a même plus le temps de poser deux palettes. C'est déjà fait embarquer par là-bas ou quoi. Hein, c'est impressionnant. Ça a été très, très impressionnant. Et tous les gens, ils sont là, on est pacifistes, ils se mettent à genoux les mains sur la tête, ils se prennent des coups de tonfon dans la gueule. Quoi. Et moi, je vais balancer des cocktails à ma rate, quoi, à un moment donné. Voilà, non, mais c'est vrai. Oui, quoi. Mais... je veux dire, c'est la violence, elle vient d'eux, en premier, quoi, je veux dire. Parce que le débat, il s'ouvre. Mais le pouvoir a aussi engrangé les trucs de 2016, les leçons de 2016-2018, par exemple en 2016, sur la place de la République. Il y avait des milliers de personnes qui passaient. Hein, sur la place de... Et aussi, il y avait des trucs mis debout partout en France. Hein. Mm-hmm. Il y avait, je sais pas, 250 trucs en France. Sur la place de la République, hein, à partir d'un certain moment donné, quand le mouvement s'est vraiment ancré sur la place, par exemple, il y a des gens qui ont commencé à enlever les plaques qui recouvrent la plaque de la place de la République, planter des choses dans la terre pour faire des cultures ou bien dans les arbres et commencer à construire des cabanes. Le jour où ça commençait à prendre racine, les forces de l'ordre sont le jour même où ça sont venus, ils ont tout cassé. Et pareil sur le mouvement étudiant. Ils ont essayé par tous les moyens, ils essayent de casser le mouvement dans l'œuf de plus vite dès le départ. Ils n'hésitent plus maintenant à rentrer dans les facs. Dès le départ, ils essayent de casser le mouvement pour pas justement qu'il s'installe, pour pas qu'il se coordonne, qu'il prenne racine, etc. Et pourquoi ils ont laissé faire pendant un mois et demi alors? Parce qu'ils n'ont pas vu venir le truc, ils n'ont pas vu venir le truc. Ils auraient pu nous oppresser directement, moi je veux dire, ils auraient pu de suite, là ils nous ont laissé faire sur les péages. Non, parce que c'est une réponse soi-même. Ils les ont pris pour des imbéciles. Ouais. Voilà. Ils sont allés aux Champs-Élysées, tu sais, ils ont imaginé que les gens allaient faire leurs courses. Il va dire, ah, c'est la première fois que je vais aux Champs-Élysées. Je vais aller dans les magasins, je vais faire les courses. Parce que c'est compliqué ce mouvement aussi, quand même. Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué, il y a des gens de tous les bords et tout, ouais. Je veux dire. Ouais. Moi, je ne pense pas qu'il ait pris l'exemple pour les imbéciles, en fait. Parce que vous avez souligné tout à l'heure la contradiction en fait, structurelle qu'il y a dans l'individu lui-même, dans le sujet capitaliste, comme on peut dire. C'est-à-dire qu'à la fois, en fait, c'est un calculateur, c'est un maître, quelqu'un. C'est celui qui compte et qui a été éduqué pour ça, en fait. Et à la fois, en fait, il y a quelque chose qui, par en dessous qui se refuse à ça, à être celui qui compte tout le temps. Il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin, en fait. Et quelque part, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'en voyant que toutes les revendications premières, au début, étaient données dans le langage capitaliste, c'est-à-dire en termes d'argent, en termes de pouvoir d'achat, d'essence, etc., et bien, quelque part, c'était une des revendications structurées dans la logique capitaliste. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quelque chose de contradictoire. C'est qu'au moment où on essaye de vivre cette lutte, entre guillemets, ben, ce qui se passe, c'est que quelque part, on se rend compte que la richesse, elle est incontable. La richesse, c'est quoi? C'est la richesse, c'est d'être avec les gens, d'être avec ceux avec qui on était peu. Puisque finalement, le travail nous avait isolés avec un contrat de travail, etc. Chaque personne était bien définie avec son compte en banque, etc. Et finalement, je pense que ce qui fait peur, c'est quand on sent ça, en fait. Et c'est quand on sent que quelque part, il y a quelque chose qui, en dessous de la subjectivité capitaliste, en dessous de la subjectivité de l'être rationalisateur qui compte tout le temps ces choses, etc., pour lesquelles tout devient interchangeable, il y a quelque chose tout le temps qui se refuse. Alors, on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est peut-être pas. Mais c'est les êtres humains qui se rencontrent en vrai, ne serait-ce que sur les ronds-points. Voilà, en réalité. C'est le point d'ailleurs. Mais je pense que c'est ça qui. Ça les a surpris aussi, parce que c'était un truc inhabituel. C'est des formes inhabituelles, c'est ça qui les a surpris. Il y avait la surprise, mais aussi le mépris aussi. Ouais. Oui, mais c'est vraiment dit. Évidemment. Mais Castaner, vous avez vu comme il parle. Il fume, mais Castaner, vous disait. Je me regardais, les gens qui se rencontrent. Un des points, les gens qui se parlent, qui ne se connaissaient pas en 68, c'est ça. C'est une bonne chose. Je veux dire, moi, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est qu'on se parlait. Et c'était étonnant. On n'avait pas le droit de parler. C'est que sur les ronds-points, les gens se parlent alors que les uns sont ambulanciers, que les autres sont même commerçants. Même ça, ça peut arriver. Moi, je me souviens sur la Canebière, il y avait des attroupements, en une demi-heure, des attroupements, 200 personnes. Vous voyez, par exemple, quelqu'un que vous auriez pris pour la veille ou l'avant-veille d'un beauf total, qui commence à s'intéresser aux affaires, à ses propres affaires en tant que citoyen, etc. Ça, je me souviens très très bien, mais des attroupements de 200 personnes en un quart d'heure, 20 minutes, des gens qui discutent entre eux, qui se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, etc., sans parler des jeunes, hein, le mouvement lycéen, le mouvement étudiant, là, ça y est. Là, je peux vous citer le nom des 5 dirigeants du mouvement lycéen de Marseille, je connais encore les noms, il y a un demi-siècle. Hier, j'ai entendu le bouquin sur mai 68 à Marseille. Hier, j'ai entendu le bouquin de Le bouquin de la Libération de l'Armée. Hier, j'ai entendu une émission à la radio. Le gars disait qu'on n'en est pas encore à donner des chiffres à nos enfants, on leur donne encore des prénoms. Et que ça, c'est un reste de poésie. C'est très très. Mais moi, ça résonne avec des gens que j'ai vus avec un matricule. Ça, c'est pas vrai. Aussi, hein. Ça, c'est pas vrai. Parce qu'en Italie, en 1920, on appelait le dernier. Je voudrais vous proposer une dernière réflexion. Aujourd'hui, cette civilisation capitaliste mène le monde à sa perte, en fait. Mène le monde à sa perte. Et ça va avec une déshumanisation profonde. Donc, ce que je dis, ce que je soutiens, ce que je pense qu'il faut, sur quoi il faut réfléchir, c'est que il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui de rester humain que de s'opposer radicalement à ce qui nous déshumanise et à ce qui mène le monde à sa perte. Il n'y a pas d'autre moyen de rester humain que de s'opposer radicalement à ce qui justement nous fait perdre notre humanité et qui mène le monde à sa perte. Ok. Bravo.